C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, donc, la présidentielle de 69, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction en partenariat avec la Fébis, toujours. Elle aura pour cadre les massacres de Sabra et de Chatila. Vincent Josse, en partenariat avec vos connaissances musicales, qui est-il au menu aujourd'hui? Carole Beffa, qui est compositeur, qui est improvisateur, qui est théoricien et qui sort un livre qui s'appelle « Parler, composer, jouer ». Bah, tout est dit. Tout est dit, à tout à l'heure. À tout de suite.